إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، aujourd'hui nous allons donc poursuivre et compléter la conférence donnée la semaine dernière, qui avait pour titre et pour thème l'interdiction de la mixité en islam. J'avais cité des preuves démontrant le jugement de l'islam se rapportant à cela, en citant les causes également et les dangers, les périls encourus pour ceux qui s'y adonnaient et qui contredisaient toutes ces preuves. Car le danger, le plus grand danger encouru de cette mixité, c'est la peur de la tomber dans la fornication et autres turpitudes qui, elles, sont passibles d'une sentence de peine de mort qui est la lapidation en islam, à la base. Et quand bien même cette peine ne se verrait pas appliquée, car aujourd'hui on sait que, hormis peut-être en Arabie Saoudite, il n'y a pas vraiment de pays où la charia est appliquée dans son intégralité, la personne aura quand même commis un grand péché, hein, très dangereux, et qui portera atteinte à la descendance, qui, elle, nous avons cité qu'elle était parmi les 5 droits nécessaires, al-darruyat al-khamsa, qui étaient al-nasal, c'est-à-dire la connaissance de la généalogie. Donc aujourd'hui, nous allons finir cela, inshallah, biznillah, en citant des fatawas de ulama, parmi les ulama, des gens de la salafia, des gens de la sunna, sur ce sujet, en espérant que j'aurai le temps de les compléter, car en réalité, j'en ai regroupé beaucoup, hein, et après, j'ai dû faire un tri, car il est certain que le temps n'allait pas suffire pour toutes les citer, les traduire et les lire. Donc j'y ai mis les principales. Et également, certaines références ne seront pas citées du fait que beaucoup d'entre elles ont été prises directement d'un lien sur l'Uloum, le forum l'Uloum en arabe. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai ce lien directement sur le poste où sera publié cette muhadara pour celui qui veut retourner et trouver les sources. Hein, il aura le athar ou la fatwa ou le hadith en arabe et pourra faire une recherche plus approfondie afin de trouver la référence, s'il veut vérifier. Non. Donc on va commencer. Tout d'abord, j'aimerais citer un athar apporté de Ali, radiallahu anhu, où il dit: قال مستنكرا اختلاط النساء بالرجال الا تستحون الا تعارون ان يخرج نساؤكم فاني بلغني ان نساءكم يخرجن في الاسواق يزاحمن العروج. Donc là, Ali radi anhu s'exprimait auprès des hommes en leur disant: ne ressentez-vous pas de gêne, hein, n'avez-vous pas de jalousie quant au fait que vos femmes sortent? Car il m'est parvenu que vos femmes sortaient dans les marchés et bouchaient les entrées, c'est-à-dire par la forte populace qui se trouvait, c'est-à-dire la grande quantité de femmes qui se trouvaient, cela bouchait les entrées des lieux de commerce. Bien sûr, il est connu que la femme peut sortir, aller dans les lieux de commerce, cependant lui, il voit quoi, le blâme là, qu'elle sorte en masse, à tel point qu'elle bouche les passages. Non, qu'elle se mette pas là, à l'emplacement qui leur convient, qui est le côté, et ainsi de suite. Et dans le hadith, Jarir ibn Abdillah قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاء فأمرني أن أصرف بصري. Alors, un musulman. Donc Jarir dit: j'ai interrogé le prophète صلى الله عليه وسلم quant au regard furtif, du fait que par exemple une femme passe et que involontairement il est porté un regard sur elle, furtivement. Donc il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, il lui a dit qu'il faut que tu détournes ton regard. Si tu l'as regardé la première fois, alors tourne ta tête. C'est-à-dire, n'insiste pas sur ce regard. Ensuite, il dit, selon Buraïda radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي radiallahu anhu: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الأخيرة. Rawa Abu Daoud. Donc là, Buraïda rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Ali: oh Ali, ne fais pas suivre le regard d'un autre. Hein? Car certes, le premier te revient, mais pas le dernier. C'est-à-dire, tu regardes une première fois, involontairement bien sûr, cela t'est pardonné. Mais si jamais tu suis le regard et que tu insistes, cela ne t'est pas permis. Qala Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Fa kayfa yasul ghad al-basar wa hifz al-farj wa adam ibda' zina 'inda nuzul al-mar'ati midyan ar-rijal wa ikhtilatiha ma'ahum fi al-a'mal wa al-ikhtilat kafil bil-wuqu' fi hadhihi al-mahadhir. Wa kayfa yasul al-mar'ati al-muslimah an taghud basaraha wa yatasir ma'a ar-rijal al-ajnabi janban ila janb بحجة أنها تشارك في الأعمال أو تساويه في جميع ما يقوم به. انتهى. Donc là, Cheikh Ibn Baz, en commentaire à ces hadiths, il dit, comment peut-on baisser le regard, hein, et préserver la chasteté, et de ne pas laisser apparaître les parures lorsque la femme se retrouve au milieu des hommes, dans le travail par exemple. À savoir que la mixité est une cause qui amène à tomber dans ces interdits, c'est-à-dire le fait de ne pas regarder. Le fait de ne pas regarder, hein, le fait de se retrouver mélangé aux femmes, comment cela peut-il possible? Et comment une personne peut-elle baisser le regard alors qu'il est retrouvé, il se retrouve au milieu de femmes, ou le contraire, que la femme se trouve au milieu des hommes? Comment le regard peut-il se baisser de façon continue? Et également il dit, « Qala al-Hafiz ibn Rajab, rahimahullah, wa asla hadha ana ikhtilat an-nisa bir-rijal fi al-majalis bid'ah. » Comme a collé le Hassan al-Basri. Donc le Hafiz ibn Rajab, lui, il dit que la mixité entre hommes et femmes dans les assises, lui, je pense qu'il fait allusion aux assises de rappel de science, cela est une bid'a, une innovation, comme l'a cité le Hassan al-Basri. Je ne vous cite pas les références, comme je vous ai dit, parce que ça va prendre un peu de temps. Surtout que je pense que la plupart des livres que je pourrais lire ne sont pas connus auprès de vous, déjà auprès de moi-même, ne sont pas connus. Mais celui qui veut retourner aux références, Inch'Allah, je mettrai le lien du sujet posté sur Al-Ulum, Inch'Allah. Ensuite, il rapporte, Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il dit, وَقَدْ كَانَ مِنْ سُنَةِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم سُنَةِ خُلَفَائِهِ التَّمْيِيزِ طيب, سُنَةِ خُلَفَائِهِ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُتَأَهِلِينَ وَالْعُزَّابِ. Donc il dit, Cheikh al-Islam, qu'il faisait partie de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que des califs bien guidés, de faire une distinction entre les hommes et les femmes, et même entre les mariés et les célibataires. Hein? Dans Majmou Fatawa, Cheikh al-Islam, il y a une fatwa dans laquelle il dit bien que Omar, radiallahu anhu, avait interdit que les célibataires vivent au milieu des familles, des hommes mariés. Et que tels étaient les actes. Telle était l'attitude adoptée par les muhajirines lorsqu'ils sont arrivés à Al-Medina. Lorsque les muhajirines, hein, sont venus de Mecca pour s'installer à Al-Medina, les célibataires ont été séparés des mariés. C'est aussi une chose qu'on faisait à Demej, depuis l'époque de Shemangbu, rahimallahu ta'ala, que les célibataires avaient leur quartier qui leur était propre, et que les mariés, les familles, étaient dans leur quartier aussi. Qu'il ne fallait pas mélanger les deux, et cela était interdit. Et Shaykh Kazali, rahimallahu ta'ala, hein, notre shir avait interdit également cela, de retrouver des célibataires au milieu des mariés par peur pour fermer les portes aux fitna. قال وهذا كله لان الاختلاط احد الصنفين بالاخر سبب الفتنه فالرجال اذا اختلطوا بالنساء كان بمنزله الاختلاط النار والحطب. Donc il dit tout cela, hein, car le mélange entre les deux genres est une cause de tentation. Car si les hommes se mélangent aux femmes, cela équivaut au mélange du feu avec les fagots de bois. Lorsque tu mélanges des bouts de bois avec du feu, qu'est-ce qui se passe? Ça prend feu, ça brûle. Et bien lui compare cela en mélangeant les hommes aux femmes. Que cela reviendrait au même. Cela amènerait à des dégâts. Naam. Wa qala l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa la raiba anna tamkina nisa'i min ikhtilatihinna birrijal aslun kulli baliyya wa shar wa huwa min a'zam asbab nuzul al-uqubat al-amma kama annahu min asbab fasad umur al-amma wa al-khassa. واختلاط الرجال بالنساء سبب الكثرة الفواحش والزنا وهو من أسباب الموت العام والتواعين المتصلة فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبارجات متجملات ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا ورعية قبل الدين لكانوا أشد شيئا من عن ذلك. Donc, l'imam Nukayim, il dit qu'il ne fait aucun doute que le fait de laisser les femmes se mélanger aux hommes, cela est une base ou un début de tout mal, de tout fléau, et qu'il est parmi les plus grandes causes, hein, devenues du châtiment, et un châtiment général. Comme il est parmi les grandes causes de désordre, de façon générale ou spécifique, et que cela cause également une multitude de turpitudes et de fornications, et qu'il est parmi les causes de mort, hein, est devenu des maladies, des épidémies. Lui, c'est Tawa'in, c'est le diable de Ta'aoun qui est la peste, mais lui vise par là les épidémies et les maladies. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, les maladies comme le sida, comment se propage-t-elle principalement? Par la fornication. Donc il dit, donc parmi les grandes causes de désordre, que les femmes se retrouvent au milieu des hommes, qu'elles marchent au milieu d'eux, voire même en étant dévergondées et embellies, et que si jamais les gouverneurs réalisaient le mal, le mal de cela, par rapport à la religion, ils auraient été parmi les gens les plus sévères quant à l'interdiction de cela, dans leur pays. Naam. Fin de parole. Wa qala Abu al-Hassan Ali ibn Battal. Il dit que dans le charh de hadith de Aïcha, lorsqu'elle cite les femmes sortaient de la salat du Fajr, lors du crépuscule, hein, enveloppées dans leur jilbab, à tel point que personne ne le reconnaissait. Donc il dit que cela fait partie de la sunna que les femmes partent avant les hommes, hein, du masjid, lors de la salat du Fajr, hein, en temps de crépuscule, c'est-à-dire là où on ne distingue pas entre les femmes pour cause de l'obscurité. Et que cela amène une discrétion, et qu'également, voilà, comme on l'a dit, que les hommes qui se verraient rencontrer ces femmes dans la rue ne seraient pas en mesure de les reconnaître. Et cela démontre également qu'elles ne restaient pas dans le masjid après l'accomplissement de la salat. Elles s'en allaient directement. Tout ça pourquoi? Pour fermer les portes et couper court à tout mal et au danger que pourrait encourir la faction des lois d'Allah. Et c'est là aussi une cause d'éloignement entre les hommes et les femmes, par peur de la tentation et par peur de tomber dans le péché, dans la mixité, c'est-à-dire les hommes entre les femmes. Et cela, on trouve dans le char de Sahih al-Bukhari. Ensuite, Abdul Raouf al-Minawi, il dit « وَلَيْسَ لَهُنَّ نَصِيب فِي التُّرُقْ إِلَّا الْحَوَاشِ » que les femmes n'ont aucun droit dans la rue, si ce n'est les côtés. « أي جوانب الطريق دون وسطه فيكره لهن المشي في الوسط » Donc lui, il dit, comme le hadith cité dans la conférence précédente, qu'il ne revient pas de prendre le milieu de la rue, mais juste les côtés, pour ne pas que se retrouve mélangé aux hommes. Non. Ça, c'était parmi les fatwas des anciens. Hein, parmi les anciens. Il y en avait beaucoup, hein, j'en ai pris que quelques-unes, j'ai fait un tri, une forme de résumé. Donc là, on va citer des fatwas des contemporains. Fatwas des savants contemporains, plus connus auprès de nous. Donc, premièrement, l'imam al-Wadi'i et Cheikh Mokbil rahimahullah ta'ala. Quand on dit l'imam al-Wadi'i, c'est Cheikh Mokbil. Il fut questionné à propos des parents qui imposent à leurs enfants en France d'entrer dans les écoles dans lesquelles se trouve de la mixité. Hein, les écoles dans lesquelles se trouve de la mixité entre les hommes et les femmes. Donc il dit la question Bard al-Ikhwa yel ramuhu walidahu ala dirasati fi madaris faransa al-mukhtarita. Donc la question c'est certains frères, leurs parents leur imposent d'étudier dans les écoles en France, des écoles mixtes. Et que si jamais eux délaissent ces études, ils rentreront en conflit avec leurs parents. Donc doit-il leur obéir en entrant dans ces écoles? Le Shir dit, Rahimullah Ta'ala, la walana sharitun bi anwan tahdhir al madaris tahdhir al daris min fitnat al madaris wa ta'atu inma takunu fil ma'ruf wa amma al dirasa bayna al fatayat al mutabarrijat wa shab fi ahsan shababihi wa kadhalika al fatah fa innaha tu'tabar fitnah wal nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijal min nisa. ويقول ما رأيت من ناقصات عقل والدين أذب اللب للب الرجل للب الرجل الحازم من إحداكن فهي فتنة للمرأة وفتنة للرجل وتعتبر إساءة إلى التعليم، فكيف يستطيع الشخص أن يحصل العلم والمرأة أمامه وخلفه وعن يمينه وشماله؟ فعلى هذا يحرم ويحرم على المسلم أن يدرس في هذه المدارس سواء كانت في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفر. فهذه المدارس أصبحت مفسدة للشباب وإساءة إلى التعليم. انتهى من تحفة المجيب. Donc le cheikh dit non, que cela n'est pas permis, hein, et qu'il y a une cassette sur ce sujet qui s'appelle Tarvir al-Madaris min fitnat al-Madaris, hein, qui est l'avertissement, on va dire la mise en garde des étudiants contre la fitna des écoles. Et il dit que l'obéissance n'a lieu seulement dans ce qui est convenable, que l'on obéit aux parents que dans ce qui est convenable. Et que le fait d'étudier entre les jeunes filles, hein, on va dire même dévergondées, ou entre les jeunes en pleine force de jeunesse, que cela est une tentation. Pour l'homme, pour la fille comme pour le garçon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai pas laissé après moi de tentation plus dure sur les hommes que celle des femmes. Et il dit également, le hadith, je n'ai pas vu d'être parmi vous, on va dire de raison et de religion réduite, faire perdre la raison à un homme déterminé, plus que vous, c'est-à-dire les femmes. Et il dit que cela est une tentation également pour la femme et pour l'homme, comme nous l'avons dit. Et cela est une atteinte à l'enseignement. Comment un individu peut-il se procurer des acquis, alors que, là il dit un individu, il vise l'homme. Comment cet homme pourrait-il, alors que la femme, des femmes se trouvent devant lui, derrière lui, à sa droite et à sa gauche. Alors sur cela, il est rendu illicite aux musulmans qu'il étudie dans ses écoles. Que celle-ci, peu importe que ceci soit en pays de musulmans, en pays d'islam ou en pays de kufr, pays de mécréance. Hein? Car ces écoles sont devenues un moyen de corruption pour les jeunes. Et une offense envers l'enseignement. Et il dit également, il fut interrogé, ma huwa dhabit ad-dukhul li darura fi hadhihi al-jami'at al-mukhtalita. Plutôt la question, quelles sont les normes qui amène à ce qu'une personne puisse rentrer dans les universités mixtes. Il dit, le shir, « Laysat hunaka darura, fa hal as-sayf ala rukbat ash-shakhs, aw annahu idha lam yadkhul al-jami'a zujja bihi fi as-sijn hatta yakhaf ala nafsihi aw malihi aw 'irdihi an yahilla bihi ay yuhalla bihi ma la yatahammaluhu. » Intaha min tuhfat al-mujib. Donc il dit, il n'y a ici, en cela, aucune daroura, aucune nécessité vitale, c'est-à-dire de rentrer dans les universités mixtes. Il dit, est-ce que l'épée va-t-il se faire décapiter, hein? Ou est-ce qu'il va se faire mettre en prison? Ou est-ce qu'il peut, il a peur pour sa personne, pour ses biens ou son honneur, hein, au point qu'il endurera ce qu'il ne peut supporter? Du fait que s'il ne rentre pas dans ses écoles, hein, dans ses universités, il subira physiquement et financièrement, et dans son honneur, ce qu'il ne peut supporter. C'est-à-dire, ou il peut être tué, ou frappé, hein, ou mis en prison, ou ses biens lui seront pris, confisqués, et que son honneur sera bafoué. Il n'y a rien de cela. Donc lui voit qu'il ne rentre pas dans ses universités, qu'il n'a aucune daroura en cela. Ensuite, une fatwa de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, comme dans Silsilat Huda al-Nur, dans la cassette 79. Je suis questionné. قال السائل شيخنا بعض جامعات في الخارج فيها نوع من الاختلاط هل يجوز لواحد أن يدرس أو يدرس فيها والعمل في هذه الجامعات؟ Donc il dit, le questionneur dit, certaines universités à l'extérieur, c'est-à-dire à l'étranger, ont une forme de mixité. Donc est-ce qu'il est permis pour l'individu d'y étudier ou d'y enseigner, hein, d'y enseigner ou d'y travailler. Peut-être même, il peut y travailler sans être un enseignant. Il peut être, je sais pas, avoir un autre travail. En tout cas, la question se pose là-dessus. D'y enseigner ou d'y travailler. Donc le shir, rahimahullah, il dit, « La ara dhalika, la yajuz, la an yadrus, wa la nudarris. » Donc le shir, il dit, « Je ne vois pas cela. » Et cela n'est pas permis, ni qu'il n'y enseigne, hein, ni qu'il étudie. فقال قائل ما يحتاج تفصيل إذا كان الشخص سينفعه الله به. Donc il dit, est-ce qu'il y a un tafsil, un détail à donner sur la question du fait que cette personne-là peut être une exception à la règle. Il se peut que Allah lui rende des bénéfices, c'est-à-dire pour la communauté. Donc le shir dit, rahimahullah ta'ala, ma yahtaju al-amru barakallahu fik ila tafsil liannahu muslimun mukallaf an nafsihi qabla ghayrihi. إذا استطاع أحدنا أن يعطينا ضمانا أو ضمانا أن هذا المدرس ينفع الله به لا يتضره وهو أو في عشر نفسه في ذلك المجتمع الخليط لا يتأثر فهو كما تقول لكن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح وما حمى حول حمى يشك أن يقع فيه. C'est plutôt Wama Yara. Il a écrit Wama Hama. Et le hadith est Yara. Donc le shiri dit que ce sujet n'a point besoin d'être développé. Ni. Car cette personne-là est un musulman. Hein? C'est un musulman qui doit se prendre en charge lui-même avant de prendre en charge des autres. Et que est-ce qu'une personne est en mesure de lui donner une garantie que cet enseignant. Celui par lequel Allah va apporter profit, c'est-à-dire soi-disant, hein, qu'il ne lui arrivera aucun dommage du fait qu'il s'expose dans cet ensemble mixte et qu'il ne sera pas influencé par cela. La situation est telle que l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith que nous avons pris dans Arba'in Nawawi, qu'il est comme celui qui ferait paître son troupeau auprès d'un champ interdit dans lequel il serait sur le point de tomber ou de rentrer dû à sa forte proximité. Non. Donc il doit s'en éloigner. Hein? C'est-à-dire, même si lui, on dit qu'au minimum, il aura peut-être la force, eh bien, il faut qu'il mette une barrière entre lui et cet interdit. Non. Là maintenant, Cheikh Othaymin, rahimahullah ta'ala, comme fi sharit, kalimat il est do'at al-jaza'i, une parole qu'il a donnée pour les prédicateurs d'Algérie. Donc il dit, la question, hukm dirasat al-tib fi jami'at mukhtalita, hal yu'ad Hada darura shal'iyya. Donc il dit, le fait d'étudier la médecine dans des universités mixtes, est-ce que cela est considéré comme étant une darura, hein, légiférée, hein, une nécessité vitale légiférée? Donc le shiri répond, rahimahullah ta'ala, Hada laysa bi darura. Falwajib alayhi ala mas'oulina fi bilad al-islamiyya an yufarriku bain al-rijali wa al-nisa liyana al-ikhtilat qadiyya. ولولا أن الناس امتنعوا عن دخول الدراسة عن دخول الجامعة المختلطة لاضطر الحكام إلى التمييز والتفريق فأرى أنه لا يجوز الاختلاط لا في الطب ولا في غيره. Donc il dit le shir que cela ne fait pas partie de la darura. Hein? Il n'y a aucune nécessité en cela. Et que l'obligation sur lui et sur les responsables dans le pays d'islam, c'est-à-dire les gouverneurs, qu'ils sépare entre les hommes et les femmes. Et que si jamais les gens également, les gens refusaient d'y aller, tout ce qui y ressemble, que les gouverneurs se verraient contraints de séparer entre les hommes et les femmes. Et que lui voit que la mixité n'est pas permise ni dans la médecine, ni dans autre chose. Dans aucun domaine. Et ça, c'est parmi les dernières fatwas qu'il a émises. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que les gens également, que le gouverneur lui doit l'interdire, mais que les gens également doivent refuser d'y aller. Pourquoi? Comme il dit, car si les gens, eux, d'eux-mêmes, déjà disent « on n'y va pas, on ne met pas nos enfants là-dedans, et nous on n'y va pas », le gouverneur ne construira pas d'établissement pour y enseigner la médecine sans faire de séparation entre les hommes et les femmes. Car quel est l'intérêt, l'utilité de construire un établissement scolaire, université, faculté ou autre, et que personne ne s'y rend? Ensuite, il faut questionner également, rahimahullah ta'ala. Le questionneur dit, hatta fil ulum shal'iyya, et également, est-ce que cela concerne les sciences légiférées, c'est-à-dire le talab al-ilm? Donc le shi répond, hatta fil ulum shal'iyya, illa idha kana nisa'u mahshurat fi makanin yadkhulna min babin wa yakhrujna minhu, la yakhtalitna bil rijal. Donc il dit, et cela concerne également les sciences légiférées. Hormis du fait, si jamais les femmes pouvaient se trouver séparées, hein, avoir une entrée indépendante propre à elle, une sortie propre à elle, sans se mélanger aux hommes. C'est-à-dire, un même établissement, cependant, elles ont leur entrée, leur sortie, et que dans les classes, elles ne sont pas ensemble, ni dans la cour ou autre. Elles sont séparées des hommes. Wa sallallahu alayhi wa sallam, Elle fut questionnée également. تقول المستمعة من العادات التي أظن أنها سيئة في قريتنا وهي أن المرأة تجلس في منزلها مع أجانب الذين يدخلون البيت سواء من الأصدقاء من أصدقاء زوجها أو والدها أو أبناء عمها أو أبناء خالها وكثير من الأجانب كالجار وزوج الأخت تقول ما الحكم في ذلك بارك الله فيكم. Donc une femme parmi celles qui écoutaient la conférence pose la question en disant qu'il y a une coutume chez nous dans notre village que je pense étant mauvaise, qui est que la femme reste dans sa maison en présence d'étrangers parmi ceux qui rentrent dans la maison, qu'il s'agisse des amis de son mari ou de son père ou des fils de son oncle paternel, hein, les cousins, ou les fils de son oncle maternel, également les cousins, et beaucoup d'hommes étrangers comme le voisin ou le beau-frère, c'est-à-dire le mari de la sœur. Donc elle demande quel est le jugement sur cela. Donc le shaykh répond, rahimahullah ta'ala, الحكم في ذلك أنه لا ينبغي للمرأة أن تختلط بالرجال ولو كانوا من أقاربها لأن ذلك سبب للفتنة وما أحسن أن يكون للرجال مجلس خاص وللنساء مجلس خاص بالعوائل حتى يكون الرجال على حدة والنساء على حدة وتبعد الفتنة التي تخشى من الاختلاط. Donc il dit la réponse. Le verdict en cela, il faut que la femme, ou il ne faut pas que la femme se mélange aux hommes, même s'ils étaient des proches, hein, même s'ils étaient des proches, là, quand il dit proche, il ne parle pas des maharim, il parle des proches, ou par le voisinage, ou par rapport au lien de parenté du mari, ou du père. Car cela est une cause de tentation. Et qu'il n'y a rien de mieux que de donner un lieu propre aux hommes, et un lieu propre aux femmes et aux familles, que les hommes soient séparés des femmes. Et que cela éloigne la tentation, qui est à craindre de la mixité. Ensuite, notre fatwa de Cheikh Najmi, Cheikh Ahmed bin Yahya Najmi, rahimahullah ta'ala. Il fut questionné. لي يجوز للأبناء والبنات دون السبع سنين أن يدرسوا الدين والقرآن في فصل واحد. Donc est-il permis aux jeunes garçons ou jeunes filles âgés de moins de 7 ans qu'ils étudient le Coran dans une même classe? Donc la réponse fut يجب ألا يكون هذا حتى لا تأنس الأنثى لمحادثة الذكور والجلوس معه أو قد تحصل علاقات بين الصغار فترك هذا أوحد للدين لتبقى الأنثى نافرة من الذكر. Donc il dit, il est obligatoire d'éviter cela pour ne pas que les filles s'habituent aux discussions, aux échanges verbaux avec les garçons et de s'asseoir avec eux, de les fréquenter. Car il se peut que même en bas âge, des relations s'entretiennent entre les deux genres. Donc cela est meilleur il est meilleur de délaisser cela, hein, et que la femme, ou plutôt que les filles, soient séparées des garçons. وَسُوْئِلَا أَيُّهَا أَفْضَلْ بَيْنَا أَنْتَ نُتْرِلَا أَوْلَادَنَا فِي مَدَارِسِ الْعَمَّةِ الَّتِي فِيَا اِخْتِلَاتِ بِنَا الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَبَيْنَا أَنْ نُتْرِلَهُمْ الْمَدَارِسِ الَّتِي يَتَوَلِّيهَا الْحِزْبِيُّونَ. Donc la question est, qu'est-il meilleur pour nous? Que nous entrions nos enfants dans des écoles publiques dans lesquelles se trouve de l'irtilat, de la mixité, ou de les rentrer dans des écoles sous le contrôle des hizbiyin, des hizbi, vous voyez, des gens de la bid'a. Hein, les écoles tenues par les hizbi. Donc la réponse fut Kullu zalika shar, walakin ittakhidhu antum al-sunnah mu'alliman khassan bikum. Qu'il dit, tout cela est mal. Hein? Tout cela est un mal, c'est-à-dire le fait de mettre les enfants dans les écoles mixtes ou de les mettre chez les hizbis, tout cela est un mal. Il dit cependant, procurez-vous un enseignant propre à vous ou vous les gens de la sunna. Là, le chef s'adresse à qui? Aux gens de la sunna et leur dit qu'ils doivent prendre un enseignant juste pour eux. Thouila al-alama Zayd al-Matrali, rahimahullah ta'ala. Donc là, c'est une question qui était posée à qui? Cher Zayd al-Matrali. Qui est décédé il y a peu de temps, rahimahullah ta'ala. مما لا يخفى أن ما ابتليت به الأمة الإسلامية في الواقع الراهن اختلاط النساء بالرجال في جل الأماكن العمومية وبخاصة في أماكن العمل ودراسته هل يترك الرجل العمل والدراسة بسبب الاختلاط وهل يلحقه إثم في ذلك وهل ثم مستثنيات تدعو إلى الحاجة إلى الاختلاط. Donc il fut interrogé. Il fut interrogé. Il ne cacha à personne ce par quoi est éprouvée la communauté islamique, hein, en ce temps actuel, par la mixité entre les hommes et les femmes dans la plupart des lieux publics, et tout particulièrement dans les lieux de travail ou d'études. Enfin, est-ce que l'homme doit délaisser le travail ou les études à cause de la mixité présente, et est-ce qu'il subira un péché en cela, est-ce qu'il a un besoin, faisant exception à la règle, en cela, autorisant la mixité. Donc il répondit, رحمه الله تعالى حاجة العبد في الدنيا ولا تبيح له الوقوع في الحرام وإنما تبيح له ما أباح الله عز وجل وأباحه رسوله عليه الصلاة والسلام وهذه العادات التي هي منشأها من أهل الكفر وتطبقت في كثير من بلدان المسلمين اختلاط الرجال بالنساء في مجال العمل لا سيما مع التبرج وكشف العورات فإن العبد من بني آدم ليس ملكا إنما هو بشر فالاختلاط سبب في وقوع الفواحش والعياذ بالله فأول ما تزني العينان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما السمع واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. Donc le shir dit que les vrais besoins du serviteur en ce bas monde ne lui permettent pas de tomber dans l'interdit. Hein? Et que ce ne lui est permis que ce que Allah et son messager ont dû permis. Et parmi les mauvaises coutumes qui débutèrent depuis les pays de Kouf et qui furent appliquées, hein, dans beaucoup de pays d'islam, c'est la mixité entre les hommes et les femmes dans les lieux de travail, et tout particulièrement avec le dévergondage, hein, et le dévoilage des atouts et des parties intimes, c'est-à-dire les vêtements ne couvrant pas les parties intimes comme il se doit. Car certes, le serviteur parmi les fils d'Adam n'est pas un ange, il n'est qu'un être humain, et la mixité est une cause de tomber dans les turpitudes. Wal'iyadhu billah. La première chose qui fornique, on va dire, sont les yeux. Et leur zina, leur fornication, c'est le regard. Et également, les oreilles forniquent. Et leur fornication, c'est l'écoute. Hein, d'écouter ce qui n'est pas permis. Et les deux mains également forniquent. Et leur zina, leur fornication, c'est le toucher, ce qui n'est pas permis. Et également, les jambes ou les pieds forniquent. Et leur fornication, c'est le fait de se rendre en des lieux interdits. Et que les parties génitales, on dira, elles confirment cela, c'est-à-dire ce que l'œil a regardé, ce que l'oreille a écouté, ce que la main a touché, et ce vers quoi se dirigent les jambes, soit il affirme cela et tombe dedans, ou il le dément. Naam. Fa'ala kulli hal la yajuzu lil-insani an yartakiba al-maharim min ajli qada hajatihi wa la yatajawaz dhalika fa inna faman tajawaza dhalika. Donc il dit, de toutes les façons, il n'est pas permis à l'homme, hein, de violer les interdits pour accomplir ses besoins. Et qu'il ne doit pas non plus dépasser les limites. Et que celui qui dépasse les limites aura certes été injuste envers lui-même. Et cette fatwa date de quand? De l'année 1429. Prix de Fatawa al-Ulama al-Wadihat. Tayyib. Également, Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad. Hafizallahu ta'ala. Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad. Il y avait différentes fatwas sur le site, hein, de lui. Seulement, elles tournent toutes autour du même sujet, par rapport au travail, aux études. Juste là, il y en a une qu'il cite. Là, il cite une fatwa. Elle se rapportant au quoi? À ce que la femme se rende à la plage dans laquelle se trouve de la mixité. Donc, il dit. وَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَا يَجُوزُ لَهُنَّ الذَّهَابُ إِلَى مِثْلَ هَذِهِ الْأَمَاكِنِ أي الذهاب إلى البحر للسباحة التي يكون فيها اختلاط ويكون فيها التكشف. Donc il dit, il n'est pas permis à la femme de se rendre dans de tels lieux, c'est-à-dire aller à la plage pour pratiquer la natation, Il parle des plages dans lesquelles se trouve de la mixité et où les gens seraient dénudés. Hein, les gens seraient dénudés. Maintenant, Cheikh El Fawzen, Hafizallahu Ta'ala. Su'ila fi ders sharh mukhtasar Zad El Ma'ad. Donc il fut questionné lors d'un cours, c'était quand ? En 1433, c'est-à-dire il y a 2 ans. Hein, il y a 2 ans. Donc la question fut. قال لي احد طلبه العلم يجب عليك ان تترك الكليه التي تدرس فيها وتدرس فيها مش بس تدرس وتدرس لان فيها اختلاطا يقول فهل ما ذكره لي صحيح. Donc le questionneur dit que un des étudiants en sciences m'a dit qu'il m'était obligatoire de délaisser la faculté dans laquelle j'étudie ou j'enseigne, c'est, je sais pas si c'est enseigner ou étudier là, car il se trouve de la mixité. Donc, est-ce que cette parole est vraie? Le shir, en plus, ensuite, le questionnaire poursuit en disant. Il poursuit en disant, « Ilman bi anna jamia al-kulliyati allati indana fi beladina fi irtilat, famaza asna. » Donc, il dit, « À savoir que toutes les facultés dans mon pays hein, sont mixtes. Donc, que dois-je faire ?» Donc, le shir, Hafizallahu Ta'ala, répondit en disant, « La ma yajuzu anta drus ou tudarris » في كلية فيها اختلاط لا سيما والنساء سافرات متبرجات وتخالطهن في الفصل وفي أماكن كلية كما بين الطلاب هذا لا يجوز ولا ضرورة إلا هذا التعلم إلا إذا وجدت كلية ليست فيها اختلاط فدرس أو فدرس فدرس نعم donc enseigne فدرس donc il dit cela n'est pas permis. Que tu enseignes. En fait, si tu enseignes, c'est pas tu étudies, c'est tu enseignes. C'est le fait d'enseigner ici. Par preuve du dernier verbe à la fin. Donc, il n'est pas permis que tu y enseignes ou que tu enseignes dans une faculté mixte, surtout du fait que les femmes y sont dépravées, dévergondées, c'est-à-dire mal habillées, et que tu te mélanges à elles en classe ou dans d'autres mécanes, hein, ou dans d'autres lieux, comme cela a lieu entre les étudiants. Cela n'est pas permis. Il n'y a aucune daroura dans cet enseignement. Hein, aucune nécessité vitale dans cet enseignement. Sauf si tu trouves une faculté hein, démunie de mixité. Alors enseigne-y. Tu y enseignes. Ensuite, il fut questionné également. Ou plutôt, il dit. Non, là, ce n'est pas une question, c'est une nasiha du shir. Il dit. Nansahu al-mar'ata alla tuzahim al-rijal wa antabta'ida an ikhtilat wa mumasat al-rijal wa anna tashtaniba mawatin al-zahma التي يخشى معها من الفتنة فإن المرأة فتنة وتفتن نفسها وتفتن غيرها ويجب عليها أن تبتعد عن مواطن الفتنة près de مجموع الفتاوى فضيلة الشيخ. Donc il dit, nous conseillons à la femme de ne pas abonder les lieux où il y a des hommes et de s'éloigner hein, de s'éloigner de l'ikhtilat ou du contact avec les hommes et qu'elle s'éloigne de tous les lieux bondés, c'est-à-dire bondés d'hommes et de femmes hein, dans lequel on craint, dans lesquels on craint la tentation. Car la femme est une tentation, hein, elle est un trouble pour elle-même et pour les autres. Donc il est obligatoire de s'éloigner des lieux de tentation. Virtilet. Pris de majmoul fatawa du shir. Après, il y a une autre fatwa là de lui par rapport au fait d'étudier dans les universités ou la mixité, mais il n'y a pas lieu de le répéter car, alhamdoulilah, les autres fatwas suffisent amplement. Et sa parole est la même, il voit l'interdiction. Sa parole et le jugement qu'il émet est le même. Et il n'y a pas un savant, hein, digne de ce nom, se basant sur les preuves, qui permettra d'étudier en mixité. On a vu quelques personnes à cette époque, comme Oubel Djabiri ou Ferkos en Algérie, qui eux l'ont autorisé avec soi-disant des certaines, on va dire, certaines conditions, et il n'y a rien dans leur fatwa qui soit valable. Et malgré cela, que vous ayez eu les preuves, et les fatwas de savants, elles-mêmes basées sur des preuves, interdisant cela, aujourd'hui vous voyez des gens pris de fanatisme, hein, se ruer à défendre ces gens-là dans les critiques qui ont été émises contre eux dans leurs erreurs. Ils ne veulent pas accepter, hein, ils les défendent et s'en prennent à ceux qui critiquent et réfutent leurs fausses fatwas. Voilà, azubillah. Donc on appelle les gens à craindre Allah, hein, dans la défense de la religion, car la vérité est plus en droit d'être défendue que chacun, toute personne. Personne n'est infaillible. Si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la retransmission de la révélation. Cependant, il n'est pas permis aux musulmans de défendre Celui qui appelle à la fausseté, car ces fatwas sont extrêmement dangereuses. Ces fatwas-là, qui permettent les études ou le travail ou autre, la mixité, sont extrêmement dangereuses. Pour celui qui les suivra, les appliquera. Maintenant, des fatwas de Cheikh Yahya, Hafizahullah Ta'ala. Il fut questionné à propos d'une personne qui travaillerait dans la mixité, d'accord, sous la contrainte de ses parents, par obligation de ses parents. Donc il dit, le shir, « La yajuzu lahu an ya'mala fi hada al-amal wa law taradahu walidu al-irtilat ma'a nisa' ajnabiyyat aw 'amal fi tadyi' lis-salah wa ta'khir laha 'an waqtiha lanu 'abdullah wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun wan-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul la ta'ata lil-makhluq fi ma'siyati al-khaliq ila an qala ka'idi aw bil-irtilat al-muharram alladhi yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam كما في صحيح مسلم إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله فرأيت الحمو قال الحمو الموت الحمو الموت. Donc il dit le cheikh qu'il n'est pas permis de travailler, hein, d'avoir un emploi dans lequel se trouve de la mixité, même si son père, c'est-à-dire cette personne-là, le mettrait à la porte de sa maison. Hein, il se ferait renvoyer dans sa maison, car apparemment ce serait une personne qui dirait que s'il ne travaille pas là-dedans, son père le mettrait à la porte. Le shir dit, malgré cela, il n'est pas permis de travailler là-dedans. Un travail dans lequel il y a la mixité avec des femmes étrangères, ou un travail dans lequel il ne peut accomplir sa salat, ou ce qui le forcerait à la retarder, la sortir de son temps. Un travail qui le pousserait, hein, qui l'empêcherait de l'accomplir en son temps. Car cette personne-là est un serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et Allah, dans l'autre sens, il dit, je n'écris les djinns et les hommes que pour qu'il m'adore. Hein? Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'il m'adore. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et également, par rapport à la mixité interdite, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde à ne rentrer chez les femmes. Donc un homme parmi les ansars dit, ô messager d'Allah, et que dis-tu du hamou? Et nous avons expliqué que le hamou, c'est parmi les proches du mari, parmi ceux qui ne sont pas des maharim pour la femme. Comme son oncle, comme son cousin, comme son frère, et ainsi de suite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « El hamou l'maut ». Ce hamou, ce proche parent du mari, c'est la mort. Donc il n'est pas permis de se mélanger à lui. Donc que dire de ceux qui sont plus éloignés? Et ça, c'est une fatwa qui est prise en « Akenz al-Thamin » dans son recueil de fatwa de Shir. Et il dit également, حذر كثير من علماء السنة أيما تعذير وأنكر هذا التصنيع أو الصنيع أيما نكير معتمدين في ذلك آية من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال بعد أن ذكر قصة جريج أو جريج في البخاري عن أبي هريرة شاهدنا من الحديث أن اختلاط الرجال بالنساء يعتبر تدبيرا قديما من بني إسرائيل لإفساد المجتمعات وهم يكيدون للمسلمين أي مكيد إلى أن قال إنها تعتبر خيانة لدين الله تبارك اسمه من قبيل بعض المفتنين المجيزين الاختلاط ويعتبرون خائنين لدين الله. Donc le shir dit, celle-ci qui est la dernière fatwa que je vais traduire sur le sujet, où il dit que beaucoup de savants de la sunna ont fortement mis en garde, hein, contre cet acte, cet agissement, c'est-à-dire la mixité, se basant sur cela, sur des versets du livre d'Allah et des hadiths de la sunna du premier messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, la personne qui a rapporté la fatwa a résumé. Ensuite, cite d'autres paroles du shir en disant, après que le shir ait cité l'histoire de Jureyj, qui était un homme, un dévot, parmi les Bani Israël, hein, qui était, comment dire, que sa mère l'appela trois fois, alors qu'il accomplissait une salate. Sa mère l'appela trois fois, et lui perdura dans sa salate. Donc de là, sa mère, irritée contre lui, fit une invocation contre lui, où elle dit qu'il ne mourra pas avant qu'il n'ait vu le visage des prostituées. Hein, qu'il n'ait vu le visage des prostituées. Donc de là, Jurayj était fortement jalousé par les Bani Israël, les gens de sa communauté, parmi les mauvais, mauvaises personnes. Donc certains d'entre eux voulurent lui faire monter un complot contre lui et le faire tomber dans la fornication. Ils se rendirent auprès d'une prostituée parmi les plus belles femmes de leur époque, la payant, lui demandant qu'elle aille séduire Jurayj afin qu'il commette l'acte avec elle. Elle se rendit auprès de lui pour le séduire, mais lui se détourna d'elle. D'accord ? Il se détourna d'elle. Donc cette femme-là, après que son complot ait échoué, sur le chemin du retour, elle tomba, elle rencontra un berger qu'elle séduit et qui commit avec elle la fornication. Elle tomba enceinte de ce berger. Donc, après avoir été enceinte, après la période de grossesse, elle accoucha d'un enfant, et vu qu'elle n'était pas mariée, les Bani Israël vinrent la voir le dire, de qui est cet enfant? Elle dit de Jurayj. Elle mentit, elle dit que cet enfant est de Jurayj. Donc ces gens-là se rendirent auprès de Jurayj, et se mirent à le frapper, à le rouer de coups, et à détruire son lieu d'adoration qu'il avait bâti en pierre, en terre cuite. Il avait fait un petit lieu d'adoration, dans lequel il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vinrent et cassèrent, détruisirent cette bâtisse et frappèrent Jurayj. Et Jurayj, pris de stupéfaction, leur dit « Que vous arrive-t-il? Qu'ai-je fait ?» Ils dirent « Tu as commis la fornication avec une femme. Une femme a enfanté de toi. » Donc il dit « Venez avec l'enfant auprès de moi. » Donc il vint auprès de l'enfant. D'accord ? Il vint avec l'enfant. Et Jurayj dit à cet enfant « Qui est ton père ?» Et cet enfant désigna le berger. Ça c'est parmi les miracles d'un hadith qui est venu que trois enfants seulement ont parlé au berceau. Il y eut Issa, alayhi salam, il eut cet enfant, et l'enfant, dans l'histoire du jeune garçon qui guérissait les malades par la permission d'Allah, et à la fin, lorsque son peuple crut en ce garçon, et mécrut en roi, l'histoire elle est connue, je ne sais pas pour la citer, ce roi fit un grand fossé rempli de feu, et dit aux gens qui ont cru en cet enfant, en ce jeune garçon, jetez-vous dans le feu. Et là, une femme vient avec son enfant, elle allait se jeter dans le feu, mais seulement elle avait peur. Donc l'enfant lui dit, ô mère, avance et patiente car tu es sur le haq. Juste pour citer quoi? Que trois enfants seulement ont parlé au berceau, et parmi eux, cet enfant-là. Et cet enfant est Jurayj. Donc ils dirent, l'enfant dit, c'est le berger qui est mon père. Donc de là, les Bani Israël s'excusaient auprès de Jurayj, ils dirent, on va te construire un nouveau temple, un nouveau lieu d'adoration en or et ceci et cela. Il lui dit non. Refaites-le comme vous l'avez détruit, c'est-à-dire en terre. Tout ça pour dire, pour en venir au point, au shahid, la partie qui nous intéresse, c'est que le shir dit que le fait de mélanger les hommes aux femmes, à la base, est un complot mis en place par les juifs afin de semer le désordre. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont voulu se prostituer auprès de Jurayj afin de le corrompre. Mais leur plan échoua. Min fadlillah. Donc cela est une coutume des juifs qui est de semer le désordre en mélangeant les hommes aux femmes, afin que les turpitudes soient commises. Et également, le shir dit que cela est une trahison en religion commise par ceux qui permettent l'irtilat, la mixité. Que ceux qui émettent des fatwas permettant la mixité, que cela ont commis une trahison en religion. Non. Donc de là s'achève, Inch'Allah, l'exposé de ces fatawas. Je pourrais en mettre plein d'autres encore, mais je pense que le sujet il est clair. Le sujet il est clair. Et tout cela en guise de nasiha pour la Oumma, pour mes frères et mes sœurs. De là aussi j'aimerais soulever un point, je n'ai pas retrouvé la fatwa, se rapportant aux vidéos, aux télévisions, et ainsi de suite. Une fatwa de Cheikh Mokbil, dans lequel il est interrogé par rapport à la télévision. Le jugement il est connu par rapport à cela. Il y a un article sur le site avec les preuves qui amène que ce que la télévision, tout ce qui est image, film, vidéo, rentre dans taswir zawat el arwah, le fait de représenter des images d'êtres dotés d'âme. Et tout cela est interdit par les preuves. D'accord? Tout cela est interdit, se basant sur les preuves. Car, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la'an Allahu al-musawwirin, que Allah a maudit ceux qui façonnent des images. Qu'il s'agisse d'un caméraman, d'un photographe, d'un dessinateur ou d'un sculpteur. Tous ont le même jugement. De là pour dire que le shir fut interrogé, et après avoir cité les preuves interdisant les images, il rajouta à cela également le fait que la femme regarde l'homme. Et que l'homme regarde la femme dans la télévision. Et que cela s'oppose à la preuve qui est de baisser le regard. Car baisser le regard, cela ne s'applique pas seulement dans la rue, mais en toute situation où on aura affaire à voir une femme. Même une photo, demain, quelqu'un regarde un magazine, il y a une photo d'une femme, une photo d'un homme, on ne doit pas la regarder. Donc de là, j'aimerais mettre en évidence le fait que certains prédicateurs qui se font filmer, font des conférences en se faisant filmer, et se montrent et s'exhibent devant les caméras, on leur dit que vous êtes une cause peut-être de fitna pour des femmes, qu'elles vous regardent. Car quel est l'intérêt de se faire filmer si ce n'est pas pour regarder? Autant faire un audio. Donc c'est-à-dire que toi, tu mets ta vidéo sur internet avec ta muhadara où tu appelles à craindre Allah, tu viens avec des sujets religieux, et une femme, elle te regarde, elle ne baisse pas le regard. Elle est où l'utilité? Là, tu es en train de faire commettre des péchés aux gens. Et pareillement pour les frères, qui ont des femmes ou des sœurs ou ainsi de suite, on les appelle à craindre Allah. Est-ce que vous n'éprouvez pas de jalousie? Est-ce que vos femmes regardent ces vidéos, regardent des frères, parmi ceux, certains d'entre eux qui sont jeunes, peut-être plus attirants que vous, plus savants que vous, plus éloquents que vous, et vous laissez vos femmes regarder des vidéos? La vidéo, elle est permise pour l'homme et pas pour la femme. Qui c'est qui a dit ça? Allah Alam, j'ai pas entendu ça. Donc de là également, ces vidéos, de ces prédicateurs ou autres, cela est encore une preuve que cela n'est pas permis du fait que quoi? Les femmes vont les regarder et ne baisseront pas le regard. D'accord? Ça, c'était juste pour clôturer le sujet. فَنَسْأَلَ اللَّهُ أَنْ يُوَفِّقَنَا وَيَّاكُمْ لَمَا يُحِبُّ وَيَرْضَاهُ وَجَنِبَنَا الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَنَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.